Bonjour à tous. Bertrand m'a demandé d'intervenir avec différentes casquettes, puisque effectivement je suis agriculteur, donc aujourd'hui je suis attaché à rien du tout, donc je parlerai, j'ai la liberté de parole, donc mes propos vont peut-être choquer certains, ça provoquera peut-être un débat, ça permettra d'animer la fin d'après-midi avant de reprendre la route. Donc je suis agriculteur, je me suis installé en 94, hein, suite au décès de mon père. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé avec ma maman en société. Donc, pour que vous voyez un petit peu le territoire, moi, je suis agriculteur ici, au sud. Donc, ça, c'est le pays sémitique en Côte d'Or. Hein. Dijon est par là. Les bons vins sont là, mais c'est pas nous. Donc, nous, on est là. On est ici, l'un des premiers villages. Donc, on est à 5 minutes du nord de l'agglomération dijonnaise. Donc, on est un village périurbain, mais on est rattaché, on travaille sur un pays rural. Et on a fait le choix, nous, de ne pas quitter le canton, contrairement à cette commune-là qui a quitté le canton, et on est resté. On a souhaité travailler sur un territoire plus rural. Donc, jusqu'en 2005, j'étais associé en ERL avec ma maman. Et comme l'exploitation était très petite, j'avais un mi-temps au lycée agricole de Quétigny, au CFA, où j'étais enseignant d'éducation civique, formateur d'éducation civique, matière redevenue à la mode, et un petit peu d'économie au bac pro. Je suis élu de ma commune, donc je, par l'intermédiaire de la commune, je suis à la communauté de communes. Parce que je suis adjoint au maire, et également je suis impliqué dans le pays Sénéti. À l'époque, je suis rentré au pays Sénéti via la Chambre d'agriculture, et depuis, je n'ai plus de mandat à la Chambre d'agriculture, mais entre-temps, je suis devenu vice-président du Conseil économique et social de Bourgogne, en charge de l'aménagement du territoire et de la forêt, et de l'agriculture. Donc, rapidement, je vais vous présenter mon exploitation, un peu le projet qu'on a sur l'exploitation, parce qu'en 2005, pour remplacer ma maman, un hors-cadre familial s'est installé. Et en 2007, comme sur nos plateaux, hein, ici on est sur un plateau calcaire, donc le pays Sénéti c'est 40% de forêt, ici c'est plutôt des plateaux, et ici une petite partie plaine avec des terres un peu plus profondes. Donc des exploitations qui sont à dominante céréalière, céréales de plateau, donc à seulement court, style colza blé orge, voire même dans les années 90 colza blé, et aussi des élevages allaitants sur une partie, et sur les fonds de vallée, quelques reliquats de troupeaux laitiers, mais je ne sais pas combien de temps ils tiendront. Donc en 2007, avec 5 copains, donc à 5, on a commencé de réfléchir à un projet de rapprochement de nos exploitations, puisqu'on avait connu la sécheresse de 2002, on avait connu la sécheresse de 2003, hein, c'est-à-dire en 2002, on s'est dit on a fait une mauvaise moisson, puis en 2003, on a vu qu'on pouvait faire encore plus mauvais. Donc on a dit, et en gros, chez nous, sur la décennie 2000, les rendements en céréales étaient 10 quintaux par hectare de moyenne en moins que la décennie 90. Donc en gros, sur l'exploitation, on faisait 75 quintaux de moyenne sur la décennie 90 en blé. Et sur la décennie 2000, si on enlève la meilleure et la plus mauvaise, on était plutôt à 55-60. Donc avec des prix des céréales très bas, hein, à l'époque, je vous rappelle juste, 2009, les céréales étaient à 90 € la tonne. Hein, donc ça ne dégageait pas d'argent. Et ça faisait des revenus plutôt négatifs. Donc en 2007, on a commencé de réfléchir à 5 copains. On a monté un vivier avec la Chambre d'agriculture, on s'est dit comment on va mutualiser nos moyens. Et donc, on adhérait déjà à l'écuma, mais le système ne nous convenait pas. Et on est allé plus loin dans la démarche, on a carrément pris le chemin d'une fusion d'entreprises. Donc, on a décidé de fusionner nos entreprises, sauf qu'entre-temps, il y a eu des accidents de la vie et la fusion n'est encore pas terminée. Mais depuis 2008, on a tout mutualisé. On achète nos phytos, nos produits ensemble et on vend nos grains ensemble. Et ce qui nous a permis aujourd'hui, on a spécialisé, on est sur les sacs associés, chacun a des postes respectifs, ce qui nous permet d'avoir des engagements extérieurs et aussi de se concentrer et d'essayer d'optimiser l'outil. Donc sur l'exploitation, nous avons 2 apprentis qui nous aident. Et au cours de la décennie 2000, on avait un échange de partenariat paille contre fumier avec la COP d'assimilation lorsqu'elle était encore sur la Côte d'Or. Donc pour la petite anecdote, on épandait du fumier, même si on n'était pas éleveur. Et depuis, on a remplacé ce gisement de fumier par du compost de déchets verts. Donc on a monté une cuma avec une compostière qui recycle des déchets verts et on essaye d'épandre du compost sur la majorité de nos terres. Sur ces plateaux céréaliers, si vous veniez sur ces plateaux céréaliers il y a une quinzaine d'années, après moisson, les champs étaient tout noirs parce que les gens avaient un système facile, ils allumaient la paille et les terrains étaient tout noirs. Donc depuis bientôt 15 ans, il n'y a pas un kilo de paille qui a quitté l'exploitation, sauf les années de sécheresse quand il faut trouver 30 ou 40 ou 50 hectares de paille par solidarité avec les éleveurs du coin. mais sinon on ne le fait pas partir. Toutes les pailles retournent au sol de façon à essayer d'augmenter la matière organique et de garder une vie microbienne dans les sols. Donc notre projet de fusion est en cours. On ne sait pas si on va aller au bout ou si, de par les mesures gouvernementales, on va changer notre fusil d'épaule, on va transformer ça en GIE avec, en gardant des sociétés, parce que en fonction d'une année sur l'autre, les règles du jeu changent et on ne sait pas trop où il faut aller. Donc on s'adaptera, bon, ça fera marcher, ça aura au moins le développement durable des avocats et des conseils juridiques. Ça, c'est vrai que globalement, avec ces changements de règles du jeu, ben, on est obligé de s'adapter. Alors c'est pas toujours... C'est très bien pour la durée de vie et les revenus des avocats, c'est beaucoup moins bien pour notre porte-monnaie. En 2007, on s'est lancé dans un projet collectif avec la Chambre d'agriculture sur le photovoltaïque. Donc, on avait quelques grosses fermes du secteur qui étaient parties sur des projets individuels, ce qu'on peut appeler l'effet d'aubaine. Et avec la Chambre d'agriculture, on s'est dit, on va essayer de lancer un projet collectif. Donc, un de mes associés qui avait un petit peu de temps s'est consacré, ils ont monté au niveau de la Côte d'Or une SAS avec un projet de 140 bâtiments. Ces 140 bâtiments représentaient au total une surface de 120 000 m² de panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de 18 MW. Donc quand on change d'échelle et quand on se lance là-dedans, ils n'étaient pas au début de leur peine, quoi. Donc sur les 140 au départ, hein, il y avait 160 agriculteurs au départ. Il y en a déjà une partie qui s'est étriée, ça a un peu trié dans les premières semaines. Et puis après, 140 sont partis, on a signé les statuts. Donc vous imaginez signer les statuts et paraffer les pages pour faire passer à 140 agriculteurs. Et globalement, ben, le projet a pris du retard. Parce qu'il y a dans des villages, c'était le maire qui s'opposait. Quand ce n'était pas le maire qui s'opposait, c'était les bâtiments de France. Quand ce n'était pas les bâtiments de France, c'était autre chose. Et si bien que ça a tellement été vite que le tarif de 60 centimes n'a pas été... Alors après, ben, évidemment, quand vous allez chercher 80 millions d'euros à la banque, et que vous êtes 140, et que comme on avait voulu, comme le choix hein, était un choix plutôt collectif, ce n'était pas des agriculteurs qui étaient là pour faire de la spéculation, on avait une grosse partie d'éleveurs qui avaient besoin de bâtiments pour mettre la paille, et les céréaliers, c'était des bâtiments pour mettre du stockage de grains ou du matériel. Donc on était bien dans une réponse de produire des bâtiments pour l'agriculture qui servaient à bon, que ce bâtiment s'autofinance et permette d'avoir un gain de compétitivité des outils agricoles. Bah, sauf que tout ça, les banquiers n'ont pas suivi ou ont mis du temps à suivre parce que certains agriculteurs dans le groupe n'étaient pas trop solvables. Et du coup, bah, sur les 140, aujourd'hui, il y a une dizaine de bâtiments qui ont été faits. Donc, il y a 17 associés avec 25 toitures existantes qui ont été réalisées. Et bah, ça a été divisé pratiquement par 10 puisqu'il y a 14 000 m² de panneaux qui ont été réalisés. Et donc, bah, des gens comme nous, on est ressortis de la SAS. Donc c'est pas du temps de perdu, parce que ça, comme dit le proverbe, chien échaudé, hein, qu'il y a quelque chose comme ça, ou chat échaudé. Donc quand on se lance sur du collectif, il bah, faut bien mesurer les conséquences. Et aujourd'hui, bah, sur le pays Sénétique, parce que c'est moi qui préside la commission agricole, on est dans une démarche de méthanisation collective. Donc on a lancé une réflexion sur la méthanisation. Donc, je vous la montrerai un petit peu tout à l'heure et pour que vous compreniez bien un peu comment on fait. Donc, ce pays Sénéti est assez dynamique. On a la chance d'avoir un GEDA qui fonctionne bien, avec des agriculteurs un peu leaders, donc, qui servent un peu de modèle aux autres. Donc, à l'intérieur de ce GEDA, c'est un de mes associés qui y va. Et les différents présidents du GEDA qui sont succédés sont des gens dynamiques. Il y a un groupe qui travaille sur les bas volumes en pulvérisation. Hein, alors évidemment, il faut aller traiter la nuit, mais pour les traitements de nuit, ça permet de faire des économies de phyto et aussi d'avoir une meilleure efficacité. Il y a un autre groupe qui travaille sur le semi-direct sous couvert. Donc on a l'équivalent de 3 ou 4 000 hectares qui sont gérés depuis bientôt une dizaine d'années sans labour et qui sont, pour les pionniers depuis bientôt une dizaine d'années, géré en semi-direct sous couvert. Donc le semi-direct sous couvert, c'est zéro travail du sol, la moissonneuse-batteuse récolte, et tout de suite le même jour derrière, un semoir de style brésilien. Donc là, c'est un brésilien, mais maintenant, il y a quelques constructeurs français ou allemands qui ont copié. Mais la technique vient du Brésil, hein, avec des phénomènes de pluie importantes. Le sol ne doit jamais être nu. Et des couverts végétaux sont sont semées immédiatement derrière pour, à l'automne, entre le mois de fin septembre, octobre et le mois de novembre, les champs ressemblent à ça. Donc il y a des études qui sont faites, hein, ça rentre dans le cadre de l'agriculture de conservation. Donc c'est un mélange de 7, 8, 10 espèces selon les sols. Et l'objectif, bah, c'est essayer d'avoir une approche un peu plus écologique. Donc c'est bien d'avoir sur notre territoire des agriculteurs qui se sont pris en main, qui prennent des risques, parce que les premières années, je peux vous garantir que certains, ils ont même essayé de semer des colzas sous la coupe de la moissebatte en fauchant l'orge, de semer le colza à la volée sous la coupe. Ça fait des risques financiers. Donc en phase 2, bah, souvent, ils questionnaient l'INRA de Dijon et il n'y avait pas forcément toujours de la réponse. On leur disait, oh, bah, c'est pas du bio. Et puis, on a organisé, quoi. Ils ont organisé, parce que nous, on ne fait pas partie de ce protocole. On a voulu organiser une rencontre nationale de l'agriculture durable il y a 2 ans maintenant, objectif seul. Et ben, à l'époque, quand on a été voir le conseil régional pour avoir quelques lignes budgétaires dans le programme du pays, parce que c'est le pays qui porte ça, hein. On a invité les élus sur des plateformes qui ont leur expliqué, et les élus étaient invités aux journées thématiques. Ben, le conseil régional nous a dit, au début, c'est pas bio, on n'a pas le lieu de suivre. Donc il a fallu leur expliquer que on n'est pas dans du binaire, quoi. C'est pas bio ou pas bio. C'est une démarche qui est intéressante. Il n'y avait pas grand monde qui travaillait dessus, à part quelques au niveau national, le réseau de l'agriculture de conservation. Mais voilà, il y a d'autres pistes que la simple approche un peu dogmatique, bio, pas bio, bien, pas bien, binaire, quoi. Donc, notre territoire, on arrive à mobiliser, hein. La commission agricole, quand on l'a réunie, on a entre 25 et 50 agriculteurs présents. Bertrand est venu faire plusieurs fois des soirées sur la méthanisation. On a des agriculteurs qui sont intéressés. Alors, juste pour la petite histoire, la fiche méthanisation, elle n'est pas arrivée dans notre contrat de pays par hasard. Au renouvellement du contrat de pays, l'animateur pays m'appelle, avec le président du conseil de développement, il me dit qu'il faut qu'on travaille des fiches, parce que le conseil régional a dit qu'il faut faire des fiches filières courtes. Bon, ok. Sauf que sur notre territoire, grande culture, élevage allaitant, bon, on a bien un éleveur d'escargot ou deux, mais sur les cailloux, il n'y a pas de maraîchage. Donc on veut bien écrire, on veut bien faire plaisir aux techniciens du conseil régional et écrire des fiches filières courtes. Mais sauf que les agriculteurs qu'on avait conviés dans la salle nous disent, nous, ça ne nous concerne pas. Alors on s'est dit, le pays, c'est bien une démarche ascendante. Ce n'est pas une démarche descendante. Dans la salle, vous êtes 25 agriculteurs, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est là que les agriculteurs, certains, ben déjà tous les gens qui étaient dans ce protocole-là disent on a des systèmes céréaliers qui sont simplifiés, ils sont fragiles, on a le delta de la hausse du coût de l'énergie. Hein, une exploitation céréalière aujourd'hui de ce secteur-là, c'est un tableau à 2 entrées. Elle peut faire, jusqu'à la maîtrise des prix européens, c'était un tableau à double entrée, bonne année, mauvaise année. Mais aujourd'hui, c'est un tableau à 2 entrées. Elle peut faire une bonne année avec un bon prix, c'est le jackpot. Une bonne année avec un mauvais prix, ça fait une année moyenne. On peut faire une mauvaise année avec des bons prix. L'agriculteur qui avait stocké ses grains en 2003, il ne s'est pas trop plaint de la sécheresse, même s'ils avaient 3 tonnes de blé à l'hectare. Et il peut faire la catastrophe, si tous les continents font une bonne récolte, la mauvaise année avec le mauvais prix. Et là, ça descend très bas. Donc, les agriculteurs ont pris conscience sur notre territoire. Ah, parce que j'ai oublié de le dire, il y a aussi pas mal de gens qui travaillent sur les marchés à terme pour sécuriser leurs coûts de production, leurs prix, une année et demie avant la mise en terre, un peu comme un industriel qui connaît ses coûts de production. Et donc les gens se sont dit, on a une très forte vulnérabilité au facteur prix, qui est largement aussi important que le facteur climatique. Et derrière le facteur prix, il y a le prix de vente, mais il y a aussi le prix des matières premières. Parce que comme on sait que les courbes sont calculées, le prix du brut qui se répercute sur le prix des engrais qui se répercute, etc., on peut facilement prendre 200 à 300 euros de l'hectare de delta en fonction du variation du baril de brut. Donc je disais en plaisantant, je ne dirais pas devant une tribune d'agriculteurs, bien que si on veut faire des économies, il faut mettre le baril à 250 euros. Et là, on va peut-être aller rapidement dans les efforts de restructuration, de réflexion, et de progrès. Hein, c'est au pied du mur qu'on fait les plus grands progrès. Donc, voilà un petit peu comme ça se passe. Là, donc, les couverts sont détruits quand il y a possibilité mécaniquement, quand il n'y a pas d'autre possibilité, quelquefois chimiquement. Et après, ben, ils sèment la culture de vente et se met dans le couvert. Donc on a l'avantage d'avoir en grande aire nature sur le territoire 3000 hectares qui sont gérés de cette façon-là. Donc ce qui peut faire des bonnes discussions. C'est-à-dire que même des agriculteurs qui ne sont pas dans la technique commencent d'aller chercher des semences pour faire leur couvert chez eux. Voilà. Sur le secteur, les couverts n'ont pas été pris comme une contrainte bête et idiote de l'administration. Les agriculteurs jouent bien le jeu des couverts. Nous-mêmes, sur notre ferme, il y a le semoir qui suit. On n'est pas aussi intégré qu'eux, on n'est pas aussi loin dans la truc, mais sur notre ferme, pratiquement, le semoir suit la mouise batte sur toutes les parcelles qui seront destinées aux cultures de printemps. Donc, il y a bientôt un peu plus d'un an et demi, en 2010, on a réfléchi à ce problème de méthanisation, parce que ce n'est pas le tout d'écrire des fiches dans le contrat de pays. À un moment donné, il faut peut-être passer au concret. Donc, ce qui est facile au début, c'est de faire les études. Donc là, des études, on en a fait. On a fait une étude de gisement. On a réuni les agriculteurs, etc. Donc, c'est le cabinet Solagro et Opal qui nous ont fait les études. Et on s'aperçoit que sur notre territoire, on a différents types de projets en fonction si on veut faire du collectif ou de l'individuel. Donc, aujourd'hui, on va aller vite parce que c'est peut-être les échanges qui sont les plus intéressants. Donc, ils nous ont fait différents scénarios. On a regardé quels sont les gisements. La volonté, c'est de ne pas aller chercher trop de gisements industriels parce qu'on estime que c'est trop risqué. Par commencer les erreurs de la SAS, d'être trop ambitieux, puis d'aller passer des contrats avec un industriel et puis. Une fois que le méthaniseur est monté, stop, je ne te vois plus parce qu'il a trouvé à 30% moins cher ou il a valorisé 10% plus cher ses déchets. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a potentiellement trois zones où il peut y avoir des méthaniseurs, des projets individuels, et puis par ici, comme on sait qu'on a ciblé des villages raccordables gaz, GRDF nous a aidés et on sait les villages où on peut raccorder en injection directe sur réseau. Si on sort un projet collectif sur le territoire, bah, il sera dans cette patatoïde-là, dans les villages cernés de rouge, où on peut raccorder. Donc, on sait qu'il y a déjà deux méthaniseurs qui sont dans les tuyaux de façon individuelle. Et voilà, il y a un projet collectif. On était encore en réunion la semaine dernière. On ne sait pas comment il va sortir, parce qu'il ne faut pas qu'on se plante sur la gouvernance. On a 35 agriculteurs qui ont répondu présents pour éventuellement apporter du gisement. On ne sait pas encore si ces 35 agriculteurs sont prêts à aller jusqu'à mettre des billes dans l'outil industriel. Est-ce qu'on a sur le territoire la capacité de gouvernance de l'outil industriel? Est-ce qu'on dit qu'on n'est pas capable de gérer l'outil industriel, on fait venir un prestataire privé et nous lui fournissons la matière, mais de façon avec un contrat, si possible, gagnant-gagnant? Et la question aussi, comme on a le syndicat mixte des ordures ménagères qui est dans le tour de table, on a et les communautés de communes, il se pose aussi la question, est-ce qu'on fait du partenariat public-privé ou pas? Donc voilà un petit peu où on en est sur le pays Sénétille. Donc aujourd'hui, si on monte ce méthaniseur collectif, soit on fait de la cogénération et on fournit 75% des besoins de chaleur de l'entreprise SEB, du site SEB situé sur la commune d'Issourtille, ou soit on injecte directement dans le réseau. Donc voilà un petit peu. Voilà. J'en profite pendant que j'ai la parole. Étant donné que j'ai une liberté de parole et puis que je ne suis pas représentant de quoi que ce soit, si on veut faire avancer, à mon avis, les projets agricoles, j'aurais tendance à dire, si on veut rapprocher deux mondes différents, le monde des environnementalistes ou le monde des décideurs environnementaux et le monde de l'agriculture, et que chacun fasse sa part vers l'autre, je pense qu'à un moment donné, il faudra un petit peu enlever les préjugés des uns et des autres, quoi. Hein? Par exemple, des contrats de pays qui s'écrivent sans les agriculteurs sur certains territoires, j'estime que ce n'est pas normal, quoi. Moi, j'ai vu des contrats de pays, parce qu'on les analyse quelquefois au Césaire, on ne fait pas que des bullets. Ben, on voit qu'il y a des fiches agricoles où, quand on se renseigne, les chambres d'agriculture n'ont pas été convoquées, et puis il n'y a pas de dynamique terrain. Donc, ce n'est pas étonnant, des fois, que ça ne marche pas sur un territoire si on ne met pas tout le monde dans le tour de table. Ensuite, si on veut qu'il y ait des effets, parce que je crois que le but, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai trois gamins, j'ai envie de leur transmettre mon outil de production, si c'est eux qui reprennent ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense pas, quoi. En tout cas, je connais pas beaucoup d'agriculteurs qui ont envie de se dire on va tout saccager, on va tout polluer, on va tout. Donc, si on veut faire évoluer les pratiques, il faut raisonner de façon collective au niveau soit d'abassade captage, soit d'abassade versant, soit d'un territoire. Et la grosse problématique, et nous on l'avait mis en avant dans un de nos rapports du Conseil économique et social sur l'agriculture, c'est comment toucher les 20% élites qui vont dans vos réunions, que vous faites venir dans vos commissions, que Arvalis peut faire déplacer, que le contrôle laitier arrive à faire venir. je pense que là, il n'y a pas de gloire à les avoir déplacés et à l'avoir communiqué sur eux. Si on veut avoir des retombées ou sur le taux de nitrate, ou sur le taux de pesticides, ou sur l'économie du territoire, c'est comment toucher le gros de la masse des 80%. Et là, je crois qu'il va falloir trouver les méthodes. Il y avait une vieille méthode qui faisait la carotte et le bâton. Je crois qu'aujourd'hui, la carotte, il n'y a plus d'argent public. Moi, à titre personnel, je ne suis pas dans le photovoltaïque. Et c'est vrai que c'est un peu choquant d'avoir balancé. Moi, j'ai vu passer des dossiers à la région avec de l'argent public pour financer en douce des panneaux chinois. C'est vrai qu'en tant que citoyen, quand on connaît les finances publiques de notre pays, ça peut paraître un peu choquant, quoi. Donc, à un moment donné, si j'ai quelques messages à vous faire passer, surtout ne désinvestissons pas sur l'animation de territoire. Les projets ne sortiront pas d'eux-mêmes. Il faut que nos politiques comprennent que quand on met 5, 10, 15, 20 000 euros d'animation pour qu'une personne soit sur le terrain à le faire de la relance, c'est pas de l'argent. Alors c'est sûr, le politique aujourd'hui, il veut voir un panneau devant la ferme où il y a 10 000 euros du conseil régional, puis le conseil général fait plus parce que c'est mieux électoralement pour que damer le pion à l'autre ou je sais pas quoi. Donc à un moment donné, il faut peut-être dire... Alors, effectivement, certains agriculteurs m'engueuleraient peut-être si je disais ça, mais c'est pas l'argent qui manque au départ. Les projets, ce qui fout le bordel dans les projets, c'est certaines contraintes administratives. C'est, est-ce que si je fais un méthaniseur, est-ce que ma transparence GAEC va pas tomber? Est-ce que si le tracteur, il emmène des déchets au méthaniseur, est-ce qu'il doit rouler au rouge ou au blanc? Si c'est des sous-produits agricoles, il roule au rouge. Si c'est des sous-produits industriels, il doit rouler au blanc. Enfin, c'est des conneries comme ça, quoi. Donc, à un moment donné, si la volonté, c'est le développement du territoire, c'est les énergies renouvelables, eh bien, c'est au niveau du Premier ministre et du ministère de l'Écologie, on met les moyens et du ministère de l'Agriculture, et Bercy s'aligne et fait ses déclinaisons d'applications pour que ça y aille. Mais quand on voit l'usure sur le photovoltaïque qu'on a fait, on n'ira pas chercher 50 fois de suite des agriculteurs pour faire du collectif. Ou alors, moi, je rends mon tablier et je vous invite à le prendre et à aller le relancer, parce que les gens, une fois qu'ils se sont fait prendre une banane comme ça, il faut ramer derrière. Donc, à un moment donné, soyons clairs dans les politiques publiques, ne désinvestissons pas sur l'animation, et après, faut que nos agriculteurs retrouvent le goût d'entreprendre. Alors, c'est vrai que peut-être que la PAC de 92 a un peu désincité à l'entreprise, mais à un moment donné, se reprennent en main et qu'ils comprennent que quand ils vont investir sur l'énergie, c'est de l'investissement pour demain, pour être compétitif, parce que cyniquement, de l'autre côté du Rhin, les méthaniseurs dans les fermes, c'est pour donner de la compétitivité à la filière lait ou à la filière porcine, pour permettre de passer, quand le lait il est à 300 euros les 1000 litres, et ne pas déposer le bilan. Donc à un moment donné, il faudra qu'on comprenne qu'on est un petit peu en compétitivité dans une Europe ouverte. Ce n'est pas forcément ma vision politique ou économique, mais c'est un fait. Si on accepte comme un fait, ben à un moment donné, il faut regarder comment on peut mettre tout ça et puis motiver les agriculteurs. Et autre point aussi, l'acceptabilité des projets sur le territoire. Nous, nous a semblé important que le pays se saisisse de la méthanisation, que les élus politiques se saisissent de la méthanisation, parce que si c'est pour avoir les mêmes associations qu'on a contre les éoliennes, mais qu'on avait contre les poulaillers, mais qu'on a contre les porcheries, mais qu'on a, une exploitation comme la nôtre, on sait qu'il va falloir trouver, pour qu'elle soit plus durable, avoir une activité d'élevage. Mais encore faut-il que dans nos territoires où on n'a plus d'élevage, le retour d'un élevage soit accepté. Je me faisais plus engueuler quand j'épandais le fumier de la coppe d'assimilation que quand j'épandais un semoir d'engrais. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, à un moment donné, il faut que chacun... Moi, c'est le ressenti que j'ai. Si on veut monter des projets... parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'on a certains agriculteurs... ont de l'argent ou pourraient avoir de l'argent pour investir, et parce qu'ils souhaitent garder une certaine sérénité dans leur village, ben, n'osent surtout pas investir. Et moi, ça me fait mal au cœur, dans des territoires où il n'y a plus que 5 habitants au kilomètre carré, où la seule activité économique est encore l'agriculture, d'entendre certains agriculteurs de dire ben, « Je préfère aller m'acheter un appartement en ville, au moins là, je n'aurai pas d'ennui. » Sauf que l'argent, il quitte le territoire, et il n'est plus investi sur le territoire, et il ne fait plus travailler sur le territoire. Donc l'avantage, si on est parti sur un méthaniseur, c'est 6 méthaniseurs, on arrive à avoir l'équivalent d'un ou deux équivalents temps plein. S'il y a un jeune qui trouve un poste de manutentionnaire dans ce truc, et puis que plutôt que d'aller à Pôle emploi, il soit là, et puis que ça crée quelques emplois sur le territoire, ben ça sera autant. Et si des petits projets comme ça, avec 4-5 emplois, sur des territoires où il y a 5 habitants au kilomètre carré, ben ça remet de l'économie dans le territoire. Donc, à un moment donné, ce n'est pas facile. Il faut que les élus nous suivent. Il faut aussi qu'on balaye tous devant notre porte les ambiguïtés de la société. Et puis, ben voilà. Et puis, bien sûr, après avoir le montage financier pour aller chercher l'argent chez les banquiers, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout en collectif.